Tony, tu devrais l'oublier. Elle dit qu'elle ne veut pas de toi, car elle préfère se consacrer à son bonhomme au RSA. Tony, tu ne peux pas contrôler les sentiments de cette déesse. Elle est en droit de préférer sa souffrance à tes belles promesses. Ses doigts de guitariste pourtant te font craquer. Son sourire angélique chaque jour te fait vibrer. Tony, efface-la de ta tête. Peut-être qu'elle n'est pas faite pour toi. C'est bien toujours en pleine tempête qu'il faut vite se cacher chez soi. Tony, une demi-décennie que tu n'avais plus ressenti ça. Mais qu'est-ce que t'y peux si elle choisit celui qui ne la rappelle pas. Son style et son talent un beau jour t'ont cueilli. Son brin de voix si dément, il hante encore tes nuits. Tony, sèche tes larmes de gosse. Ne te jette pas dans cette rivière. Tu n'y peux rien si les cassos ont les plus belles filles de la terre. Tony, elle n'était pas pour toi, cette fille extraordinaire. Laisse-leur le bonheur et la joie et retourne dans ton monastère. Tony, tu voudrais la serrer le reste de ta vie dans tes bras. Maintenant, ferme ta porte à clé. L'amour, ce n'est pas fait pour toi.